voilà riche pour de bon. Est-ce que je triche? Là n'est pas la question. Je me demande où je pourrais cacher ma fortune. Puis un soir me vient une idée. Au clair de la lune, je vais planquer tous mes bifetons là où personne n'ira les chercher. Dans un endroit nauséabond que j'affectionne, confidentiel et étriqué. Dans mon anus, j'insère des liasses et des bijoux, et puis même quelques lingots d'or. Là, vous vous dites, cet argent n'est plus propre du tout. Mes bandes de trous du cul, je l'ai gagné grâce à vos efforts. Je me remplis le trou du boule sans scrupule. Je le remplis jusqu'à ras-bord. Puis un jour, le fisc déboule et puis m'encule. Trouve ma cachette, coquin de sort.